Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document deux fois, puis répondez. Voici notre sélection pour votre soirée télé. Ce soir, vous avez le choix entre deux programmes de qualité. D'abord, sur France 2, à 20h40, Prête-moi ta main. Une comédie très réussie avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg dans les rôles principaux. Vous passerez un très bon moment. Pour les personnes qui rêvent d'aventure, à 20h30, la chaîne Arte va vous faire voyager avec son émission Théma spéciale Tour du Monde. Des témoignages, des conseils et des images magnifiques. Bonne soirée à nos amis téléspectateurs.